Alpha Best Eye. C'est un style wicked and wild. C'est un style qui va leur faire mal. Style. Ils veulent un style wicked and wild. Je leur donne un style original. Alpha Best Style. Je suis prêt à les chanter dans les salles. Et je suis prêt à m'achoper un son boy. Alpha Best Style. Ils veulent un style wicked and wild. Je leur donne un style original. Alpha Best Style. Je suis prêt à les chanter dans les salles. Et je suis prêt à m'achoper un son boy. Je te parle là. Je vois trop de vampires. Qui osent dédiquer leur bébé. T'es ma coup mais j'en ai assez. C'est eux qui contrôlent ma norme. J'en ai assez, maintenant je te parle du dé. L'animal il n'a pas être commandé. Il faut que je parte de chez eux. Surtout faut faire attention au FC. À chaque et tu fais ton chiffre. Faut faire attention au chef. J'ai vu tombe dans l'eau, faut savoir nager. H, j'aime fumer la ganja et le H. Dami Mori, originaire du Mali, prend le micro pour tous les jeunes des TC. Alpha Best Style, ils veulent un style wicked and wild. Je leur donne un style original. Alpha Best Style, je suis prêt à les chanter dans les salles. Et je suis prêt à marcher en son boy. Alpha Best Style, ils veulent un style wicked and wild. Je leur donne un style original. Alpha Best Style, je suis prêt à les chanter dans les salles. Et je suis prêt à marcher en son boy. Je te parle du JJ, trop de DJ sont plein de magie. Il va avec les bâtis au car. Elle, beaucoup de femmes sont des Jezabelles. Tous les jours elles vont à l'hôtel. FX comme basket. Elle, M, mon centre là y'en a ton système. N, sur Babylone je dégaine. Oh, lève ta main si t'es fier d'être négro. Si t'es fier d'être négro, je veux t'entendre crier. Yo, la bâtie boss est déjà occupée. Les politiciens sont des faux culs. Il faut rien pour ceux qui sont en galère. Et quand je vois cette misère, je suis vénère. Alpha Best Style, ils veulent un style wicked and wild. Je leur donne un style original. Alpha Best Style, je suis prêt à le chanter dans les salles. Et je suis prêt à marcher en son boy. Alpha Best Style, ils veulent un style wicked and wild. Je leur donne un style original. Alpha Best Style, je suis prêt à le chanter dans les salles. Et je suis prêt à marcher en son boy. Je te parle du SS. Jamais je n'ai fait de slackness. Je suis un DJ réputé. J'ai appris tout ça dans la rue. Moi c'est la rue qui m'a fait, je respecte la rue. Maintenant je te parle du V. Tous les jours je parle de Garvey. W. En tout cas je sais pas si vous savez que le X me fait penser à Malcolm X. Et je faille à tous les tox qui se fixent. Maintenant je te parle du Y. Moi je suis pas gros, je suis sec. Mais viens cracher avec moi et je te pète ton bec. Z, pour te mashup j'ai pas besoin d'aide. Mon nom c'est Maury dans les clashs en pas capède. Alpha Style, ils veulent un style wicked and wild. Je leur donne un style original. Alpha Best Style, je suis prêt à le chanter dans les salles. Et je suis prêt à marcher en son boy. Alpha Best Style, ils veulent un style wicked and wild. Je leur donne un style original. Alpha Best Style, je suis prêt à le chanter dans les salles. Et je suis prêt à marcher en son boy. Alpha Best Style, c'est un style wicked and wild. C'est un style qui va leur faire mal. Vraiment. C'est un style qui va leur faire mal. Très mal. Yeah, dance à l'attitude, c'est mes ancêtres.